Dans sa collection Les électrons libres, un mot cherchait un nom par Jodel. Égaré dans la page, un mot cherchait un nom par vœu d'une famille et d'une identité. Sans souci de renom ni du moindre tapage, c'est d'une hérédité qu'il se voulait pupille. Avisant un vocable au coin d'un paragraphe, de sa quête il fit part entre deux adjectifs. « C'est travail d'orthographe, ou du moins c'est probable, » dit indubitatif le toisant du regard. « Il est vrai qu'à te voir, tu ne m'évoques rien. Cours dans le dictionnaire en suivant l'alphabet. D'un frère ou d'un ancien, tu peux apercevoir la racine où tu nais pour guider ton affaire. Demande au vieux Robert, vois le bled à côté. À l'encyclopédie, au besoin, fais demande. Cette communauté d'ouvrages et d'experts, de termes et gourmandes, et bien les étudie. » Il fallait pour cela entreprendre un voyage. Sitôt dit, sitôt fait, nos quelques caractères jaillirent de la page et sans plus de blabla, conquirent l'étagère où les bouquins logeaient. Ce fut tout un tintouin. Des livres à l'écart se mêlèrent curieux à leurs plus vieux confrères. Mesurant le lascar, ils le trouvaient chafouin, doublé d'un téméraire à les rendre furieux. « Encore un mot en l'air, pire, il est sans papier !» Quel non-sens, quel affront que nous veut ce vandale qui nous casse les pieds. Tout cela n'est pas clair. Pardon pour le scandale, émit notre larron. Je veux savoir mon nom, en outre d'où je viens, et par cette origine aborder ma famille. Fichtre, dit un doyen, tout de go je dis non. Autant chercher l'aiguille et aussi la bobine. Mais enfin c'est un monde, hurla notre genou. Un poète pourtant m'a choisi pour ses vers. Ah! « Mais alors, Minot, montre-nous cette ronde. » L'indigné devint vert, s'en était inquiétant. Les jambages tremblants, il avoua, penaud. « Dans le saut précédent, j'ai égaré ma page. » Ce n'était pas finaud, mais plutôt accablant. Ce dernier bavardage augurait l'accident. Le poète hoqueta, la plume s'envola, la fable en resta là, et le mot s'éventa. Merci à Yves Alain pour sa musique Little Angel, extraite de son album Au Mont Séchoux.